Chapitre 20e, l'histoire de Marie. L'un des moindres effets de toute grande secousse, de toute révolution naturelle ou physique, sociale ou domestique, est un oubli singulier ou une appréciation exagérée du passage du temps. Parfois, nous nous figurons que les fonctions ordinaires de l'univers en sont arrivées à un temps d'arrêt, pendant la tempête qui a secoué notre être, jusque dans ses profondeurs les plus reculées. Parfois, au contraire, il nous semble que par cela seul que nous avons enduré un siècle de souffrance en une demi-heure d'existence de joie insensée, le globe terrestre a mesuré sa rotation sur les battements précipités de nos cœurs passionnés et que toutes les horloges de la Terre ont cessé de fonctionner. Quand le soleil se coucha en ce jour d'été, qui avait dû voir le mariage de Belinda, Edward Arundel crut que la matinée n'était pas encore écoulée. Il était étonné d'apercevoir une teinte rosée dans tout le ciel de l'Occident et de voir cette grande boule d'or fondue disparaître au-dessous de l'horizon. Il fut obligé de tirer sa montre pour se convaincre que la lueur décroissante était réellement le soleil de tous les jours et non quelque phénomène surnaturel apparaissant dans les cieux. Et pourtant, quoiqu'il fût étonné de voir le jour dans son déclin, son esprit, par une étrange inconséquence, pouvait à peine se faire à l'idée que, pas plus tard que la veille, il s'était assis à côté de Belinda Lawford en qualité de futur et avait songé, Dieu sait avec quel regret, à la tombe inconnue où reposait sa femme morte. « Je n'ai su que ce matin, se disait-il, je n'ai su que ce matin que ma jeune femme vit toujours et que j'ai un fils. » Il était assis à côté de la fenêtre ouverte dans la meilleure chambre à coucher de Esther Jobson. Il était assis dans un vieux fauteuil placé entre la tête du lit et la fenêtre ouverte, une vraie fenêtre de cottage, avec des carreaux en verre mince et verdâtre, une grande allège peinte supportant un grand vase de fleurs de jardin. Le jeune homme était assis à côté du lit sur lequel étaient endormis sa femme et son fils, la tête de l'enfant se cachait sur le sein de la mère, et une de ses petites joues roses apparaissait parmi une masse de jolis cheveux blonds. Des rideaux en basin blanc entouraient les chers dormeurs, la jolie frange tricotée, coquet travail d'Esther, décrivait des ombres fantastiques sur la couverture éclairée par le soleil. Mary dormait un bras passé autour de son enfant et la figure tournée vers son mari. Elle s'était endormie, laissant une de ses mains dans celle d'Edward, après une série d'évanouissements qui l'avaient terriblement épuisée. Edward Arundel regardait ce cher tableau avec un sourire d'ineffable affection. « Je puis comprendre maintenant pourquoi les catholiques romains adorent la Vierge Marie, » pensa-t-il. « Je puis comprendre l'inspiration qui a guidé la main de Raphaël quand il a peint la Vierge à la chaise. Dans le monde entier, il n'y a pas de peinture aussi belle. Dans tout l'univers, il n'aurait pu trouver de sujet plus sublime. Oh, ma bien-aimée femme, sortie de la tombe, rendue à mon amour et parent du seul, mon petit enfant, mon baby, mon fils, dont j'entendis la faible voix par cette sombre soirée d'octobre, et dire que je fus si tristement dupé, et dire que mes oreilles insensibles ont pu entendre ce son, sans qu'aucun instinct du cœur me révélât la présence de mon enfant. J'étais si près d'eux, non pas une seule fois, mais souvent. J'étais si près d'eux, et je ne l'ai jamais su, jamais deviné. » Il serra involontairement les poings au souvenir de ses visites sans but qu'il avait faites au chalet solitaire. Sa jeune femme lui était rendue, mais rien ne pouvait effacer le long intervalle d'angoisse durant lequel elle et lui avaient été les dupes d'un misérable intrigant et d'une femme jalouse. Rien ne pouvait lui rendre la première année de l'existence de ce baby, cette année qui aurait été un long jour de fête et de gaieté. Sur quel triste monde ses yeux innocents s'étaient ouverts, eux qui n'auraient dû voir que le soleil, les fleurs et les tendres sourires d'un père aimant. « Oh, ma chérie !» se dit le jeune mari en regardant la figure amaigrie de sa femme, où n'étaient que trop visibles les traces laissées par les angoisses du passé. « Comme nous avons cruellement souffert tous deux. Mais combien votre souffrance a dû être plus terrible encore que la mienne, ma pauvre femme si douce, mon beau lys brisé !» Dans son ravissement de retrouver la femme qu'il avait pleurée comme morte, le jeune homme avait pour le moment presque oublié l'infâme misérable qui la lui avait dérobée. Mais pendant qu'il était ainsi tranquillement assis à côté du lit où dormaient Marie et son enfant, il eut tout le loisir de songer à Paul Marchmont. Que devait-il faire à cet homme? Quelle vengeance tirerait-il de ce misérable qui, pendant près de 2 ans, avait condamné une innocente jeune femme à de cruelles tortures et à la honte. Oui, à la honte, car Edward savait que la plus amère des douleurs que Paul Marchmont avait infligées à sa cousine avait été le prétendu refus de croire à son mariage. « Que lui ferai-je ? » se demanda le jeune homme. « Que puis-je lui en faire ? » Il n'y a pas de châtiment manuel pire que celui qu'il a subi déjà sous sa main. Le lâche, le misérable sans cœur, le vil coquin qui n'a que de la fausseté et pas de sang dans les veines. Que puis-je lui faire ? Je ne puis que lui infliger de nouveau le même traitement, et je le lui infligerai. Cette fois, il hurlera sous le fouet comme un chien battu. Cette fois, je le traînerai dans la rue du village, et je ferai voir à toutes les commères de Kimberling comment Gredin se tord sous l'indignation d'un honnête homme. Je lui... La femme d'Edward Arundel s'éveilla pendant qu'il pensait au châtiment qu'il infligerait à son ennemi mortel. Et au bout d'un moment, le baby ouvrit ses innocents yeux bleus et se redressa en regardant son père. Monsieur Arundel prit l'enfant dans ses bras et le tint avec beaucoup de tendresse, quoiqu'un peu gauchement. Les yeux du baby s'agrandirent à la vue de toutes les breloques d'or qui s'agitaient à la chaîne de montre de son père, et les petites mains potelées commencèrent à jouer avec ses breloques et les cachets du gros homme. « Il vient à moi, vous voyez, Mary ?» dit Edward avec un étonnement naïf. Puis il tourna vers lui la figure du baby et contempla tendrement ses beaux yeux bleus surpris, ses mignonnes fossettes, son manteau délicatement moulé. Je ne sais si ce fut la vanité paternelle qui lui suggéra cette idée, mais Edward Arundel se figura certainement qu'il voyait la faible reproduction de ses traits dans cette figure blanche et rose. Une ressemblance vague, comme l'image tremblante que reflète le ruisseau quand on s'y mire. Mais tandis qu'Edward était moitié préoccupé de ceci, moitié curieux de savoir s'il pouvait y avoir réellement chez son fils quelque chose de sa figure à lui, Mary décida la question avec une assurance toute féminine. « N'est-ce pas qu'il vous ressemble, Edward ? » dit-elle tout bas. « Ce n'a été qu'à cause de lui que j'ai supporté la vie pendant tout ce temps d'épreuve, et je ne crois pas que j'eusse vécu, même pour lui, s'il ne vous eût pas tant ressemblé. Je passais quelquefois des heures entières à le regarder, à pleurer et à songer à vous. Je ne crois pas qu'il m'arriva de pleurer excepté lorsqu'il était dans mes bras. Alors, quelque chose semblait amollir mon cœur et les larmes me venaient aux yeux. J'étais très malade pendant bien longtemps, avant la naissance de mon baby. Et je ne savais ni comment s'écoulait le temps, ni en quel endroit j'étais. Je me figurais parfois que j'étais de retour dans Oakley Street, que papa était revenu à la vie, et que nous étions tous très heureux ensemble. Seulement il y avait quelque chose comme un lourd marteau qui frappait sans cesse sur nos têtes, et j'entendais le bruit effrayant de la rivière qui coulait dans la rue sous nos fenêtres. J'entendis M. Weston dire à sa femme que c'était un miracle que je ne fusse pas morte à cette époque. Hester Jobson entra en ce moment avec le service à thé, qui s'était annoncé lui-même par un bruit de cuillère, de tasse et de soucoupe dans l'étroit escalier. La bonne femme du charpentier avait exhibé sa plus belle porcelaine et sa théière d'argent, joyau de famille qui lui venait d'une vieille tante de son mari. Elle avait eu fort à faire toute l'après-midi pour préparer cette élégante petite collation de gâteaux et de fruits qui accompagnait le thé. Elle étendit sur la table une nappe parfumée à la lavande et arrangea les tasses, les soucoupes, les assiettes et les plats avec une certaine fierté où se mêlait la joie. Mais elle eut à endurer un peu à peu un terrible désappointement, car aucun de ses convives n'était dans les conditions voulues pour faire honneur à son hospitalité. Mary se leva et s'assit dans le grand fauteuil encombré d'oreillers. Ses yeux pensifs se fixaient avec amour sur la figure de son mari, tournée vers elle et légèrement colorée par la teinte rose qui disparaissait à l'occident. Elle prit une tasse de thé, et par ce charmant crépuscule d'été, avec le parfum des fleurs que la brise faisait entrer par la fenêtre ouverte, où une grosse mouche stupide se cognait la tête contre les vitres, elle goûta pour la première fois, depuis le jour affreux où s'était terminée sa courte lune de miel, la joie céleste du repos. « Oh, Edward !» murmura la jeune femme, « comme cela me semble étrange d'être heureuse. » Il était à ses pieds, moitié agenouillé, moitié assis sur un carreau de la fabrication d'Esther, et tenait dans ses mains les mains de sa femme en appuyant la tête sur le bras du fauteuil. Esther Jobson avait emporté le baby, et ils étaient seuls tous deux. Ces deux êtres, qui étaient tout l'un pour l'autre et qui avaient été séparés cruellement pendant un intervalle de 2 années qu'il fallait remplir par de tristes souvenirs et de tendres paroles de consolation. Ils étaient seuls Elle pouvait parler en toute liberté maintenant, sans crainte d'être interrompue. Car bien que dans sa pureté et sa beauté, un enfant soit le cousin germain des anges, et quoique je sois parfaitement d'accord avec ce que M. Bennett et M. Buchanan peuvent dire ou chanter sur l'enfance, il faut avouer cependant qu'un baby gêne un peu la conversation et que l'éloquence d'un homme n'a pas le même charme quand il doit s'arrêter de temps en temps pour sauver son enfant du péril imminent, de la strangulation causée par sa futile tentative d'avaler un de ses poings. Mary et Edward étaient seuls. Ils étaient ensemble, une fois encore comme ils l'avaient été sur les bords du ruisseau dans les prairies de Winchester. Un rideau avait masqué toute la désolation et la ruine du passé, et ils pouvaient entendre la douce et mystérieuse musique qui était le prélude d'un nouvel acte dans le drame de la vie. « J'essaierai d'oublier tout ce temps, » dit Mary, tout à coup. « J'essaierai de l'oublier, Edward. Je crois que ce souvenir me tuerait à lui seul, s'il devait revenir perpétuellement au milieu de ma joie, comme il revient même maintenant que je suis si heureuse de mon bonheur. » Elle s'arrêta et se pencha vers les cheveux bouclés de son mari. « Vous pleurez, Mary ?»« Oui, chère. Il y a quelque chose de douloureux dans le bonheur quand il vient après une pareille souffrance. » Le jeune homme releva la tête et examina la figure de sa femme. Comme elle était pâle même à la lueur du crépuscule, comme ses traits étaient usés, hagards et ravagés, depuis qu'elle lui avait souri dans leur courte lune de miel. Oui, la joie est douloureuse quand elle vient après une longue souffrance. Elle est douloureuse parce que nous sommes devenus sceptiques à force d'endurer une telle angoisse. Nous avons perdu la faculté de croire au bonheur. Il vient, le bel étranger, mais sa beauté nous fait reculer devant lui de peur, qu'il ne soit en somme qu'un fantôme. Dieu sait avec quelle inquiétude Edward Arundel regarda la figure changée de sa femme. Les yeux de Mary brillaient pour lui du saint éclat de l'amour. Elle lui souriait, d'un air tendre et rassurant, mais il lui semblait qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans l'éclat de cette figure pâle, épuisée, quelque chose qui lui rappelait la figure d'une martyre qui a cessé de ressentir l'angoisse de la mort dans un avant-goût des joies du ciel. « Mary, » dit-il ensuite, « racontez-moi toutes les cruautés que Paul Marchmont ou ses instruments vous ont fait endurer. Dites-moi tout, et je ne reparlerai plus de notre déplorable séparation. Je punirai seulement celui qui en a été la cause, » ajouta-t-il en baissant la voix. « Dites-moi tout, ma chère aimée. Il vous sera pénible de parler de tout cela, mais nous n'y reviendrons plus. Il y a des choses qu'il faut savoir. Souvenez-vous, ma chérie, que vous êtes maintenant dans mes bras, et que la mort seule peut nous séparer de nouveau. » Le jeune homme avait passé ses bras autour de sa femme. Il sentit plutôt qu'il n'entendit un faible soupir plaintif tandis qu'il prononçait ses dernières paroles. « Rien que la mort, Edward, rien que la mort, » dit Mary d'un ton solennel. « La mort n'a pas voulu venir à moi quand j'étais malheureuse. Je demandais à Dieu qu'il me fît mourir ainsi que mon enfant, car je n'aurais pu me résoudre à le laisser sur terre. Je pensais que nous serions enterrés tous deux avec vous, Edward. J'ai rêvé parfois que j'étais couché à côté de vous, dans une tombe, et j'ai tendu ma main glacée pour serrer la vôtre. Je demandais, je suppliais, qu'on m'enterre avec vous quand je serais morte, car je vous croyais mort, Edward. Je le croyais fermement. Je n'avais pas le moindre espoir que vous fussiez vivant. Si j'avais eu une pareille espérance, aucune puissance sur terre n'aurait pu me garder prisonnière. Les misérables, murmura Edward, les dents serrées, les infâmes misérables, les lâches menteurs. Pas de colère, Edward, je vous en supplie. Je ressens une douleur au cœur quand vous parlez ainsi. Je sais combien ils ont été méchants, combien ils ont été cruels, affreusement cruels. Je regarde en arrière sous mes moments de souffrance comme si c'était quelqu'un d'autre qui eût souffert, car maintenant que vous êtes avec moi, je ne puis croire que cette malheureuse créature abandonnée et désespérée était réellement moi. Moi qui appuie ma tête sur votre épaule et qui mêle mon haleine à la vôtre. Je considère toute ma misère passée et je ne puis leur pardonner, Edward. Je suis très mauvaise, car je ne puis pas encore pardonner à mon cousin Paul et à sa sœur. Mais je ne veux pas que vous parliez d'eux. Je veux seulement que vous m'aimiez. Je veux seulement vous voir me sourire et vous entendre me répéter sans cesse que rien ne peut nous séparer maintenant, excepté la mort. » Elle s'arrêta quelques instants, épuisée par ce long discours. Sa tête s'appuyait sur l'épaule de son mari et elle se rapprochait de lui en frissonnant légèrement. « Qu'avez-vous, ma chérie ? » Il me semble que tout cela ne peut être réel. Quoi, chérie? Le présent, toute cette joie. Oh, Edward, est-ce réel? Est-ce vrai, dites? Ou bien n'est-ce qu'un rêve? Vais-je m'éveiller tout à l'heure, sentir l'air froid qui pénètre par la fenêtre et voir la lune sur la boiserie de Stone et Stringford? Est-ce réel? Oui, mon trésor. C'est aussi réel que la miséricorde de Dieu, qui vous dédommagera de tout ce que vous avez souffert, aussi réel que la vengeance de Dieu qui frappera lourdement vos persécuteurs. Maintenant, chérie, dites-moi tout. Il faut que je sache l'histoire de ces deux misérables années durant lesquelles j'ai pleuré mon amour perdu. Monsieur Randall oublia de dire que pendant ces deux misérables années, il s'était engagé à devenir le mari d'une autre femme. Mais peut-être qu'un homme, même quand il est fidèle et bon au possible, est toujours un peu en arrière d'une femme en matière de constance. Quand vous me laissâtes dans le Hampshire, Edward, je fus très malheureuse, commença Marie à voix basse, mais je savais que c'était égoïste et méchant de ne penser qu'à moi. J'essayais de songer à votre pauvre père qui était malade et souffrant, et je priais pour lui, espérant qu'il recouvrerait la santé et que vous reviendriez vers moi bien vite. Les gens de l'auberge furent très bons pour moi. Je m'assis à la fenêtre du matin au soir le jour de votre départ, et le lendemain, car j'étais assez enfant pour m'imaginer, chaque fois que j'entendais le bruit des sabots des chevaux ou des roues des voitures sur la grande route, que vous reveniez vers moi et que mon chagrin était fini. Je m'assis à la fenêtre, et je regardais la route jusqu'à ce que je connusse la forme de chaque arbre, de chaque toit de maison, et de toutes les branches des buissons d'aubépine dans la haie. Enfin, ce fut le troisième jour après votre départ, j'entendis les roues d'une voiture qui s'arrêta en passant devant l'auberge. C'était un cabriolet et je n'attendis pas, Edward, d'avoir vu qui était dedans. Je ne me figurais pas qu'il pût amener quelqu'un autre que vous. Je descendis rapidement l'escalier et mon cœur battait si fort que je respirais avec difficulté. Je sentis à peine les marches sous mes pieds, mais quand j'arrivai à la porte, oh mon amour, je n'ai pas la force de son geste-là, je ne puis en endurer le souvenir. Elle s'arrêta, cherchant à reprendre haleine et s'appuyant sur son mari. Puis avec un effort, elle continua. « Oui, je vous dirai tout, cher. Il faut que je vous le dise. Mon cousin Paul et ma belle-mère étaient dans le petit vestibule au bas de l'escalier. Je crois que je m'évanouis dans les bras de ma belle-mère. Et quand je repris connaissance, j'étais dans notre petit salon, la jolie petite chambre rustique, Edward, où nous avions été si heureux ensemble. Il ne faut pas que je m'arrête pour vous détailler tout. Cela me prendrait trop de temps de vous raconter tout ce qui s'est passé dans ce misérable temps. Je sais que quelque chose devait aller de travers en voyant les manières de mon cousin Paul, mais ils ne voulurent, ni ma belle-mère ni lui, me dire ce que c'était. Je leur demandai si vous étiez mort, mais ils répondirent « Non, il n'est pas mort ». Pourtant, je voyais qu'il était arrivé quelque malheur. Mais plus tard, par accident, je vis votre nom dans un journal qui était sur la table avec le chapeau et les gants de Paul. Je lus le compte-rendu d'un accident sur la ligne du chemin de fer que vous aviez suivi. Le cœur me manqua aussitôt, et je crois que je devinais tout ce qui s'était passé. Je vis votre nom parmi ceux des personnes qui avaient été dangereusement blessées. Paul secoua la tête quand je lui demandais s'il y avait quelque espoir. Ils me ramenèrent ici. Je sais à peine comment j'y revins, comment j'endurais ce malheur. Je les suppliais de me laisser aller vers vous. Je me jetai à genoux, je les implorai en me traînant leurs pieds, mais ils refusèrent de m'écouter. « C'est impossible, » disait Paul. Il semblait toujours très bon pour moi. Il parlait toujours avec douceur, et il me disait sans cesse qu'il avait pitié de moi et s'associait à ma douleur. Mais bien que ma belle-mère me regardât sèchement et me parlât comme toujours d'un ton froid et dur, je pense parfois qu'elle aurait cédé et aurait fini par me laisser aller vous rejoindre, sans lui, sans mon cousin Paul. Il pouvait me regarder le sourire aux lèvres quand j'étais presque folle de douleur, et il ne balança jamais, il ne dévia pas un instant de son but. On me ramena donc aux Towers. Je me laissais faire car je ne sentais plus mon malheur. J'étais seulement fatigué, oh, si fatigué, et je voulais me coucher par terre dans quelque coin tranquille où personne ne m'approcherait. Il me semblait que je me mourais. Je crois que j'étais très malade quand nous revînmes aux Towers. Ma belle-mère et Barbara Simons veillèrent au chevet de mon lit jour et nuit. Parfois je les reconnaissais. Parfois j'avais toutes sortes d'hallucinations et souvent, oh bien souvent, mon cher aimé, je croyais que vous étiez avec moi. mon cousin Paul venait chaque jour et restait à côté de mon lit. Je ne puis vous dire combien cela m'était odieux de le voir près de moi. Il entrait dans la chambre avec aussi peu de bruit que s'il eût marché sur de la neige. Mais malgré ses précautions, et quand bien même je fusse endormi lorsqu'il entrait, je savais toujours qu'il était là à me sourire. Je m'éveillais toujours avec un frisson d'horreur qui me glaçait le sang, comme si un rat eût marché sur ma figure. Par la suite, quand le délire eut cessé, j'eus honte des sentiments que j'éprouvais. Cela me semblait bien mal de ressentir cette antipathie déraisonnable pour le cousin de mon cher père. Mais il m'avait apporté de mauvaises nouvelles de vous, Edward, et il n'était pas très étrange qu'il fût haï par moi. Un jour, il s'assit à côté de mon lit vers l'époque où j'allais mieux et où je reprenais des forces. Il n'y avait personne dans la chambre, excepté ma belle-mère, et elle était debout à la fenêtre, nous tournant le dos et regardant au dehors. Mon cousin Paul s'assit à mon chevet et commença à me parler de ce ton mielleux et compatissant qui me torturait et m'irritait malgré moi. Il me demanda ce qui m'était arrivé après que j'eus quitté les Towers à la fin du bal. Je lui dis tout, Edward. Votre arrivée à Oakley Street et notre mariage. Mais, mon cher mari, il ne voulut pas me croire. Il ne voulut pas me croire. Tous mes efforts furent inutiles. J'eus beau lui jurer à plusieurs reprises par mon père qui était au ciel, par la miséricorde divine sur laquelle je comptais, que je disais la vérité et rien que la vérité. Il ne voulut pas me croire. Il ne voulut pas me croire. Il secoua la tête et me dit qu'il était à peine étonné de voir que je cherchais à le tromper, que c'était une triste histoire, une très malheureuse, une très honteuse histoire, et que ma tentative de mensonge était toute naturelle. Ensuite, il me dit du mal de vous, Edward. Il dit du mal de vous. Il parla de mon ignorance d'enfant, de mon amour confiant et de votre infamie. Oh, Edward, il dit de bien horribles choses, de bien horribles choses. Vous aviez résolu de vous emparer de ma fortune, de devenir mon maître à cause de ma richesse, et vous ne m'aviez pas épousé. Vous ne m'aviez pas épousé. Il persistait dans cette affirmation. Le délire me reprit après cela. Je fus presque folle, je crois. Pendant tout le temps de mon délire, je parlais de mon mariage à mon cousin Paul. Quoiqu'il fût très rarement dans la chambre, je songeais constamment qu'il y était, et je lui répétais la même chose, jusqu'à ce que mon cerveau fût en feu. Je ne sais pas combien de temps cela dura. Je sais qu'une fois, au milieu de la nuit, je vis ma belle-mère accroupie sur le plancher, sanglotant tout haut et pleurant sur sa méchanceté, en disant que Dieu ne lui pardonnerait jamais son péché. Ma santé s'améliora enfin, et je descendis de ma chambre. J'allais m'asseoir d'habitude dans le cabinet de mon pauvre papa. Les jalousies étaient toujours baissées, et aucun des domestiques, excepté Barbara Simons, ne venait jamais dans la chambre. Mon cousin Paul n'habitait pas les Towers, mais il y venait chaque jour, et y passait souvent toute la journée. Il semblait le maître de la maison. Ma belle-mère lui obéissait en tout et le consultait sur tout. Quelquefois, Mrs. Weston venait aussi. Elle était comme son frère. Elle me souriait toujours d'un air grave et compatissant, absolument comme lui, et elle semblait toujours avoir pitié de moi. Mais elle ne voulut pas croire à mon mariage. Elle parla cruellement de vous, Edward, mais en termes qui semblaient dictés par sa compassion pour moi. Personne ne voulut croire à mon mariage. Aucun étranger n'avait la permission de me voir. On ne me laissait jamais sortir. On me traitait comme si j'eusse été quelque honteuse créature qu'il fallait dérober au regard du monde. Un jour, je suppliai mon cousin Paul d'aller à Londres voir Mrs. Pimpernel. Elle pourrait le renseigner sur notre mariage. J'avais oublié le nom du curé qui nous avait unis et celui de l'église où nous avions été mariés. Et je ne pus les donner à Paul, mais je lui donnai l'adresse de Mrs. Pimpernel. Et j'écrivis à cette bonne femme pour la prier de tout raconter à mon cousin au sujet de mon mariage. Je remis à Paul la lettre non cachetée. Il se rendit à Londres environ une semaine après. Quand il revint, il me rapporta ma lettre. Il était allé à Oakley Street, dit-il, mais Mrs. Pimpernel avait quitté le quartier et personne ne savait où elle était allée. Mensonge, affreux mensonge, murmura Edward Arundel. Oh, le scélérat, l'infernal scélérat. Jamais parole ne pourrait rendre ma douleur à cette époque, mon angoisse amère, mon incertitude insupportable. Quand je les questionnais sur vous, ils ne voulaient pas me répondre. Parfois je pensais que vous m'aviez oublié, que vous ne m'aviez épousé que par commisération pour mon abandon, et que vous étiez heureux d'être débarrassé de moi. Oh, pardonnez-moi cette mauvaise pensée, Edward, mais j'étais si malheureuse, si misérable. Parfois encore, je me figurais que vous étiez très malade, dans un état désespéré et sans force pour venir à moi. je n'osais pas penser que vous étiez mort. J'éloignais de moi cette pensée autant que je le pouvais, mais elle me hantait nuit et jour. Elle me poursuivait comme un spectre. J'essayais de fermer les yeux pour ne pas voir, mais je voyais en esprit. Les journées se ressemblaient toutes. Longues, tristes, désolées, et je savais à peine comment s'écoulait le temps. Ma belle-mère m'apportait des livres religieux et me disait de les lire, mais c'étaient des livres difficiles, et je ne pouvais y trouver un seul mot consolant. Ils avaient dû, je crois, être écrits pour effrayer des personnes obstinées et méchantes. Le seul livre qui m'apporta quelque consolation, ce fut ce cher volume que je lisais à papa le dimanche soir, dans Oakley Street. Je le relus, Edward, dans ces jours de malheur. Je lus l'histoire du fils unique de la veuve qui avait été ressuscité parce que sa mère était malheureuse sans lui. Je lus et je relus si souvent cette tendre et douce histoire qu'il me semblait voir le cortège funéraire, la figure calme et froide dans la bière, la main blanche levée, et cette physionomie sublime et charmante dont l'image nous apparaît toujours alors que nous souffrons le plus, la tremblante auréole autour de ses cheveux blonds, et dans le lointain, les colonnes brillantes des temples blancs, et les palmiers se dressant dans le ciel pourpre de l'Orient. Je pensais que celui qui avait ressuscité le fils d'une pauvre veuve, précisément parce qu'il était son fils unique, et qu'elle était bien seule sans lui, aurait plus de pitié pour moi que le Dieu des livres d'Olivia. Et je le priais, Edward, je le priais nuit et jour pour qu'il vous ramenât vers moi. Je ne sais pas quel jour c'était. Je sais seulement que nous étions en automne et que les feuilles mortes voltigeaient dans le quadrangle lorsque ma belle-mère m'envoyait chercher dans ma chambre où j'étais assise, non pas à occuper à lire, mais à penser. J'étais dans un fauteuil, la tête sur mes mains, et je regardais stupidement les feuilles ballottées et le ciel gris et froid. Ma belle-mère était dans le cabinet de papa, et je devais aller l'y retrouver. J'y fus, et je la trouvai debout avec une lettre froissée à la main et un article de journal étalé sur la table devant elle. Elle était pâle comme la mort, et elle tremblait violemment de la tête aux pieds. « Voyez, » dit-elle en me montrant le papier, « votre amant est mort. » Sans vous, il aurait reçu un jour plus tôt la lettre qui lui annonçait la maladie de son père. Il serait allé dans le Devonshire par un autre train. C'est à cause de vous qu'il a voyagé à l'époque de ce fatal accident. S'il est vrai qu'il soit mort, que son sang retombe sur votre tête. Que son sang retombe sur votre tête. » Je crois que ces cruelles paroles furent exactement telles. Je n'espérais pas une minute que ces horribles lignes du journal étaient fausses. Je pensais qu'elles devaient être vraies, et je devins folle, Edward. Je devins folle, car le désespoir s'empara de moi complètement à la nouvelle de votre mort. Je remontai dans ma chambre, et je mis mon châle et mon chapeau. Puis, je sortis de la maison, j'entrai dans le bois sombre, et je suivis le sentier du bord de l'eau. Je voulais me noyer, mais la vue de l'eau noire me fit frissonner d'horreur. J'eus peur, Edward, et je marchais sur les bords de la rivière, sachant à peine où j'allais jusqu'à ce qu'il fût tout à fait nuit. J'étais fatigué, et je m'assis sur la terre humide de la rive, au milieu des joncs et des roseaux. Je restai là, plusieurs heures, et je vis les étoiles briller faiblement dans le ciel obscur. Je crois que je délirais, car parfois je comprenais que j'étais au bord de l'eau, et la minute d'après, je me figurais être dans ma chambre à coucher des Towers. Parfois encore, il me semblait que j'étais avec vous dans les prairies de Winchester. Le soleil brillait, vous étiez assis à mes côtés, et je pouvais voir votre image se refléter dans l'eau qui miroitait aux rayons du soleil. À la longue, après que je fus resté là longtemps, très longtemps, deux personnes arrivèrent avec une lanterne, un homme et une femme, et j'entendis une voix s'écrier « la voici couchée par terre !» Et ensuite une autre voix, une voix de femme très faible et très effrayée, dit « est-elle vivante ?» Alors ces deux personnes me relevèrent, l'homme m'emporta dans ses bras, et la femme prit la lanterne. Je ne pus leur parler, mais je sus que ces deux personnes étaient mon cousin Paul et sa sœur Mrs. Weston. Je me souviens que Paul me porta assez longtemps dans ses bras, puis je dus m'évanouir car tout souvenir m'échappe, jusqu'au moment où je me réveillai un jour, et où je me trouvais couché dans un lit du pavillon du chalet. Mrs. Weston était à mon chevet, je ne sais pas comment le temps passa. Je sais seulement qu'il me parut très long. Je crois que ma maladie était une fièvre rhumatismale, que j'avais gagné en restant couché sur la terre humide pendant presque toute la nuit où je me sauvais des Towers. Un laps de temps considérable s'écoula. Il y avait de la glace et de la neige. J'aperçus une fois la rivière par la fenêtre quand je quittais mon lit, pour une heure ou deux, et une fois à minuit j'entendis les cloches de l'église de Kimberley annonçant la nouvelle année. J'étais très malade, mais je n'avais pas de médecin. Pendant toute cette époque, je ne vis que mon cousin Paul, Lavinia Weston et une servante nommée Betsy, grossière campagnarde, prenaient soin de moi en l'absence de ses maîtres. On était très bon pour moi et on me prodiguait les soins. « Vous ne vîtes donc pas Olivia de tout ce temps ?» demanda Edward avec empressement. « Non. Ma belle-mère ne parut que quelque temps après le retour de la nouvelle année. Elle vint tout à coup un soir tandis que Mrs. Weston était avec moi, et tout d'abord elle fut effrayée en me voyant. Elle me parla ensuite avec bonté, mais d'une voix étrange où perçait la terreur. Elle appuya sa tête sur la couverture du lit et sanglota tout haut. Paul l'emmena avec lui et lui parla cruellement, très cruellement, en la blessant par des allusions à son amour pour vous. Je n'avais jamais compris jusqu'alors pourquoi elle me haïssait, mais j'eus pitié d'elle à partir de ce moment. Oui, Edward, malheureuse comme je l'étais, j'eus pitié d'elle, parce que vous ne l'aviez jamais aimée. Dans ma souffrance, j'étais plus heureuse qu'elle, car vous m'aviez aimé, Edward, vous m'aviez aimé. » Mary rapprocha sa figure des lèvres de son mari, et ses chères lèvres s'appuyèrent tendrement sur son front pâle. « Oh, ma bien-aimée !» murmura le jeune homme, « mon pauvre ange qui a tant souffert. Dieu pourra-t-il jamais pardonner à ces gens toute leur cruauté envers vous? Mais ma chérie, pourquoi ne cherchez-vous pas à fuir? J'étais trop malade pour marcher, je croyais que j'allais mourir. Mais plus tard, quand la santé revint, quand vous fûtes plus forte, ne fîtes-vous aucun effort pour échapper à vos persécuteurs ?» Mary secoua tristement la tête. « Pourquoi aurais-je essayé de leur échapper ? » dit-elle. « Qu'avais-je à faire hors de ma prison ? Il valait autant que je fusse là qu'ailleurs. Je croyais que vous étiez mort, Edward. Je croyais que vous étiez mort, et plus rien ne me rattachait à la vie. J'attendais seulement que celui qui avait ressuscité le fils de la veuve eût pitié de moi. Il m'appela au ciel, où je pensais que vous étiez avec papa. Je ne voulais pas sortir de cette triste chambre au-dessus du chalet. Être là, ou à Marchmont Towers, c'était la même chose pour moi. Je vous croyais mort, et toutes les vanités et les grandeurs de ce monde n'étaient plus rien pour moi. Personne ne me maltraitait, on me laissait seul. Mrs. Weston me dit que c'était dans mon intérêt qu'on me dérobait au regard des gens des Towers. J'étais une pauvre fille déshonorée, me disait-elle, et il valait mieux que je vécusse tranquillement dans le pavillon, jusqu'à ce qu'on se lassât de parler de moi. Puis, mon cousin Paul m'emmènerait sur le continent où personne ne saurait qui j'étais. Elle me dit que l'honneur du nom de mon père et de toute ma famille serait sauvé par ce moyen. Je répondis que je n'avais pas déshonoré le nom de mon cher père, mais elle se contenta de secouer tristement la tête et j'étais trop faible pour discuter avec elle. Que m'importait? Je vous croyais mort, et le monde n'existait plus pour moi. Je m'asseyais chaque jour à la fenêtre, sans regarder au dehors, parce qu'il y avait des jalousies vénitiennes que mon cousin Paul avait clouées à la lège, et j'entrevoyais à peine ça et là l'eau de la rivière par les interstices des lattes. Je restais immobile à écouter le sifflement du vent à travers les arbres, ou le bruit des sabots des chevaux sur le chemin de halage, ou la pluie qui tombait dans la rivière les jours où il pleuvait. Je crois que même au moment de ma plus profonde misère, Dieu fut bon pour moi, car je tombais dans une complète apathie, et je perdis même le sentiment de la souffrance. Un jour de mars, où le vent gémissait, et où la fumée refoulée dans l'étroite cheminée remplissait la chambre, Mrs. Weston amena son mari, qui causa un moment avec moi, et s'entretint ensuite à voix basse avec sa femme. Il semblait terriblement effrayé, et il tremblait tout en disant « Pauvre femme, pauvre jeune femme !» Mais Mrs. Weston le malmena, et ne le laissa pas longtemps dans la chambre. Depuis lors, M. Weston vint très souvent, toujours avec Lavinia, qui paraissait plus habile que lui-même en médecine, car elle lui donnait ses ordres, et lui obéissait en tout. Un peu plus tard, quand les oiseaux chantaient, et que les rayons chauds du soleil pénétraient dans l'appartement, mon baby vint au monde. Edward, mon baby vint au monde. Je pensais que Dieu, qui avait ressuscité le fils de la veuve, avait entendu ma prière et vous avait rappelé de la tombe, car les yeux du baby étaient comme les vôtres. Et je songeais parfois que c'était votre âme qui me regardait à travers leurs pupilles et qui me consolait. Vous souvient-il de cette pauvre femme allemande qui croyait que l'esprit d'un roi mort venait à elle sous la forme d'un corbeau? Je sais, cher Edward, que ce n'était pas une bonne femme, mais elle avait dû aimer sincèrement le roi pour en arriver à croire une chose aussi extraordinaire. Je ne crois pas à l'amour des gens qui aiment avec raison, Edward. L'amour qui est vrai est celui qui aime trop bien. À partir de l'époque de la naissance de mon baby, tout fut changé. Je fus plus malheureuse peut-être parce que mon apathie cessa, que le souvenir me revint et que je songeais à vous, cher Edward, en inondant de mes larmes la figure de mon petit ange endormi. Mais je ne fus plus seul. Le monde sembla être rétréci en un petit cercle ayant la dimension du berceau de mon enfant. Je ne pense pas qu'il ressemble aux autres baby Edward. Je crois qu'il devina ma douleur dès le début et essaya de me consoler à sa manière muette. Le Dieu qui a opéré tant de miracles, qui sont tous des preuves de son amour, de sa tendresse et de sa pitié pour les douleurs de l'humanité, pouvaient facilement faire que mon enfant fût différent des autres et servît de consolation à sa malheureuse mère. Dans l'automne qui suivit la naissance de mon baby, Paul et sa sœur vinrent me voir une nuit et m'emmenèrent du pavillon du bord de l'eau dans une ferme abandonnée où il y avait une femme qui devait me servir et avoir soin de moi. Elle ne fut pas méchante, mais elle me négligea un peu. Je n'y pris pas garde, car je ne demandais que d'être seul avec mon précieux trésor. « Votre fils, Edward, votre fils !» La femme me permettait de temps en temps de me promener dans le jardin. C'était un jardin négligé. Il y avait de belles fleurs devenues sauvages, et au retour du printemps, mon chéri se couchait sur l'herbe et jouait avec les boutons d'or et les marguerites que je lui jetais. Nous étions tous deux plus heureux et bien mieux que dans les deux chambres murées du chalet. Je vous ai tout dit maintenant, Edward, tout, excepté ce qui s'est passé ce matin, quand ma belle-mère et Hester Jobson sont arrivées dans ma chambre au point du jour et m'ont dit que j'avais été trompé et que vous étiez vivant. Ma belle-mère s'est jetée à mes genoux et m'a supplié de lui pardonner car elle était, disait-elle, une misérable pécheresse qui avait été abandonnée de Dieu. Je lui ai pardonné, Edward, et je l'ai embrassée. Vous lui pardonnerez aussi, mon cher mari, car je sais qu'elle a été très malheureuse. Elle a pris ensuite le baby dans ses bras, elle l'a embrassé, oh, avec quelle passion, et elle a pleuré sur lui. Après cela, elle m'a amené ici dans le char à bancs de M. Jobson, car M. Jobson était avec elle. Et Esther m'a tenu dans ses bras tout le temps. Et puis, mon cher mari, après une longue attente, vous êtes venu à moi. Edward serra sa femme dans ses bras et l'embrassa une fois encore. Nous ne reparlerons plus de tout ceci, ma bien-aimée. Je sais tout maintenant, je comprends tout, je ne vous affligerai plus en vous reparlant de vos cruelles souffrances. Et vous pardonnerez à Olivia, chère ? Oui, chérie, je pardonnerai à Olivia. Il n'en dit pas long, car un bruit de pas retentit dans l'escalier et une faible lueur apparut à travers les fentes de la porte. Hester Jobson entra avec deux bougies allumées qu'elle avait plantées dans des chandeliers de faïence. Mais Hester n'était pas seule. Derrière elle se tenait une dame en robe de soie à froufrou, une grande dame à figure respectable, qui s'écria « Où est-elle, Edward ? Où est-elle ? Faites-moi voir cette pauvre malheureuse enfant !» C'était Mrs. Arundel qui était venue à Kimberling pour voir sa belle-fille retrouvée. « Oh, ma chère mère !» s'écria le jeune homme, « comme vous avez été bonne de venir. Maintenant, Mary, vous ne saurez plus ce que c'est que de manquer de protecteur. Voici ma tendre mère qui vous garantira de tout mal. » Mary se leva et fut au-devant de Mrs. Arundel, qui ouvrit ses bras pour y recevoir la jeune femme de son fils. Mais avant de la serrer contre elle, elle prit les deux mains de sa bru dans les siennes et regarda attentivement sa figure pâle et ravagée. Elle poussa un long soupir en contemplant ses traits amaigris et l'éclat des yeux qui semblait extraordinairement grand à cause des joues creuses de la jeune femme. « Oh, chère !» s'écria Mrs. Arundel, « comme vous avez été cruellement maltraitée, ma pauvre enfant !» Edward regarda sa mère. Il était effrayé du sérieux de ses manières, mais elle lui sourit d'un air rassurant. « Je vous conduirai à Dangerfield avec moi, ma pauvre chère enfant, » dit-elle à Mary. « Je vous dorloterai, et je vous rendrai grâce comme une perdrix, mon cher bijou, et je serai une mère pour vous, qui n'en avez pas. Oh, dire qu'il existe des gens assez vils pour... Mais je ne veux pas vous troubler, mon cher enfant. Je vous emmènerai de cette horrible et sombre comté par le premier train de demain, et vous dormirez demain soir à Dangerfield dans la chambre bleue, où les roses et les myrtes se balanceront à votre fenêtre. Edward nous suivra, et vous ne reviendrez ici que lorsque vous serez bien portante. Vous essaierez de m'aimer, n'est-ce pas, cher enfant ? Oh, Edward, j'ai vu l'enfant, il est superbe, tout à fait votre image. Il a 5 dents, mais je regrette de dire qu'elle pousse de travers. C'est le bas et non le haut qui perce tout d'abord, à ce que dit Esther. Et Belinda, chère mère, dit ensuite Edward à voix basse et grave. Belinda est un ange, répondit Mrs. Arundel avec autant de gravité. Elle est restée dans sa chambre tout le jour. Personne ne l'a vue que sa mère. Mais elle est descendue au vestibule au moment où je partais ce soir. Et elle m'a dit, « Cher Mrs. Arundel, dites-lui qu'il ne me croit pas égoïste au point d'être désolé de ce qui est arrivé. Dites-lui que je suis très heureuse que sa jeune femme ait été sauvée. » Elle a porté sa main sur mes lèvres pour m'empêcher de parler et elle est remontée chez elle. Si ce n'est pas là se conduire comme un ange, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour cela.